et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Le concept est simple, deux amis s'échangent un album et le débriefent ensemble. Je suis Dame, Dame Guitar Cover sur YouTube et pour m'accompagner dans cette difficile tâche, Tom. Yes, salut, c'est Tom. Eh ben moi c'est Tom, alias Omashai, omashai.com. Vous pouvez trouver toutes mes créations musicales, reprises, arrangements, relevés sur mon site, omashai.com. Voilà, voilà. Alors, quatrième numéro aujourd'hui, on va changer de registre, comme je l'avais annoncé dans le podcast précédent. Cette fois-ci, c'est moi qui ai proposé un album à Tom, puisqu'on alterne. Et donc, cette semaine, j'ai proposé d'écouter un album d'un groupe qui s'appelle The Bird and the Bee, et donc l'album The Bird and the Bee, sorti en 2007. Yes. Alors, Bird and the Bee, c'est quoi? C'est un duo, en fait, mené par Greg Kustin. Je vois sur les articles, c'est lui, The Bee, et Inara George, qui serait donc The Bird, puisque donc The Bird and the Bee, ce qui veut dire en anglais l'oiseau et les abeilles. Je pense que c'est par rapport à la question de la reproduction. Il me semble que c'est pas quelque chose comme ça. Alors non, en fait, j'ai vu des interviews. En fait, ils ont vraiment choisi le nom au pif parce qu'ils avaient une chanson qui s'appelait Birds and the Bees. Alors Birds and the Bees, ça veut dire effectivement quand un enfant, on doit lui parler de Birds and the Bees. Ça veut dire on doit lui expliquer comment on fait les bébés. Mais en fait, ils ont choisi le nom du groupe suite à la chanson vraiment au pif. Et puis après, ils ont dit qu'il y en avait un qui était l'abeille et un qui était l'oiseau. Mais en fait, au départ, ça vient pas du tout de ça. Ok. Un groupe que moi, j'ai découvert il y a quelques années déjà, c'est ma copine qui me l'a fait découvrir. En fait, elle était tombée sur une chanson dont on va parler assez vite, puisque c'est la première de l'album, qui s'appelle Again and Again, et qui était dans un épisode d'une série télé. Alors, c'était pas Grey's Anatomy, bien que apparemment c'est ce qui a fait exploser le groupe, d'après ce que j'ai vu. Le morceau Again and Again est passé dans un épisode de Grey's Anatomy, au moment où c'était une série qui était très très en vogue, et ça a donné pas mal de notoriété, ce qui fait qu'après on a retrouvé certains morceaux dans des BO de films, etc. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à leur notoriété actuelle. C'est un groupe de Los Angeles, c'est pas n'importe qui finalement, alors bien que Inara George a des projets solo qui ont l'air intéressants, j'ai juste commencé à écouter ça hier, ça a l'air pas mal. En même temps, vous allez vite comprendre, mais Bird and the Bee, ça fait vraiment partie de mes petites pépites. En revanche, Greg Kustin est un producteur très en vogue actuellement dans la sphère musicale. Il a produit les albums de Sia, de Adele, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est une pointure. Vous pourrez chercher, il y a une vidéo qui est très sympa où on voit qu'il a produit le dernier album de Foo Fighters qui s'appelle Golden Concrete ou Concrete and Gold, je sais plus. Et donc cet album a été produit par Pat Greg Kustin après que Dave Grohl ait absolument voulu travailler avec lui en découvrant lui aussi la chanson Again and Again en l'entendant à la radio. Et si vous ne connaissez pas la chanson Again and Again, vous allez entendre un petit extrait et je vous mets au défi de ne pas fondre. On commence tout de suite l'écoute ? Ouais. Alors on va démarrer donc avec le fameux Again and Again. Alors, Again and Again, oui, effectivement, donc le titre phare qu'ils a fait connaître, très accrocheur. Alors, je vais essayer de pas donner toutes mes remarques tout de suite, parce qu'en fait, je peux déjà faire sur ce titre-là tout ce qui va caractériser l'album. Je vais déjà parler de la texture. Il y a un gros travail au niveau de la texture. Et alors, il y a des beats, de la programmation électro slash vintage, de la gratte acoustique, de la basse en fuzz, là, qui est inattendue sur les couplets, qui est, voilà, très... très original. On capte tout de suite que c'est une caractéristique, une caractéristique essentielle. Le travail sur la texture, ils ont un son très particulier, quoi. Alors le gars dans le groupe, donc dans ce duo, c'est un producteur, donc voilà, on sent qu'il y a un vrai travail là-dessus, quoi. Et puis on capte aussi une autre caractéristique essentielle, c'est une suite d'accords inhabituels, assez jazz, mais sur de la pop électro. Donc c'est ce que disait Dave Grohl, c'est ça aussi qu'il a kiffé quand il a écouté ça et quand il a découvert Bird and the Bee. Moi, j'appellerais ça de la pop intelligente, en fait. Moi, c'est comme ça que je le caractérise dans mon classement de musique. De la pop intelligente parce que ça reste facile à appréhender. Donc, c'est de la musique pop, hein. Voilà, ça se chante facilement, mais en même temps, c'est subtil dans les harmonies, c'est subtil dans les textures. Il y a vraiment une profondeur au truc, quoi. C'est pas seulement le truc hyper édulcoré qui passe en radio et que vous allez forcément kiffer, etc. Donc pour moi, effectivement, Again Again, c'est le premier contact avec le groupe. Alors je suis tout ce que tu as dit. La basse, un petit détail sur la basse, mais qu'on retrouvera. En fait, elle est jouée au Mediator et elle a un son qui ressemble très fort à au type de basse qu'on entendait beaucoup dans les années 70. Je pense notamment chez Gainsbourg. Si vous écoutez par exemple la chanson Melody Nelson, vous entendrez une basse extrêmement présente avec un son très justement qui a finalement assez peu de basse. C'est utilisé presque comme une guitare et c'est un type de sonorité qu'on retrouve là-dedans dans les années 70, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Même si j'apprécie pas Gainsbourg, j'aime pas ça. La chanson Melody Nelson, c'est une chanson que j'aime énormément et je retrouve justement cet aspect-là que j'aime beaucoup dans Bird and the Bee. Sinon, oui, effectivement, t'as raison, hein, le travail sur les textures est super important c'est très difficile à qualifier. Le mot qui m'est revenu beaucoup quand je prenais mes notes, c'était le mot délicatesse. On a toujours l'impression d'être sur un petit nuage. Il n'y a jamais de... À aucun moment, les notes arrivent avec brutalité. On a l'impression que tout glisse, notamment dans le chant. Elle a un chant tellement maîtrisé, c'est incroyable. On a l'impression que quand sa voix démarre, elle était déjà là. C'est comme s'il y avait un... Il n'y a jamais de choses très abruptes, en fait, dans son chant. C'est très, très impressionnant. En fait, le morceau Again and Again, moi, je suis très expéditif quand j'écoute de la musique. Généralement, c'est les deux premières secondes vont me faire dire très, très vite si j'ai envie d'aller plus loin ou pas. Et ça commence par, justement, la ligne de chant principale. Et là, on arrive sur le côté jazzy avec les notes qui sortent et qui sont vraiment très, très, très chouettes. Donc, c'est un excellent morceau. On a un petit pont qui est tout mignon. Et puis après, on a de nouveau le refrain et le refrain qui vous quittera plus jamais. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez écouté, vous pouvez plus l'oublier et il vous reviendra toute votre vie. Complètement. Et j'aime beaucoup le terme que tu utilises en disant pop intelligente. Moi, j'avais noté ambiance jazzy sur de la pop et que c'était la signature du groupe. Mais t'as raison. C'est finalement, j'écoute assez peu de pop, mais quand j'en écoute, c'est ce genre de truc, quoi. C'est cette pop intelligente. On en reparlera au moment des recommandations. Il y a un groupe français qui fait ça très bien également. Ouais. On passe au titre numéro 2, donc qui s'appelle Bird and the Bees, donc le fameux morceau qui a donné son nom au groupe. Alors, Bird and the Bees, idem, une balade jazz, clairement jazz, mais au lieu d'avoir un trio piano-basse-batterie comme on l'aurait souvent dans un petit groupe de jazz pour accompagner la chanteuse, là on a de la programmation, un petit coup de cymbale par-ci, un petit coup de carillon par-là, la guitare classique, des claviers vintage, voilà, on sent que, je me demande si le producteur, si le gars dans le groupe, il collectionne pas un peu les claviers vintage, tout ça, donc voilà, encore un gros travail de texture, et autre chose, une autre caractéristique du groupe, c'est des polyphonies de grande qualité. Donc, c'est-à-dire, voilà, des trois voix, la chanteuse s'enregistre trois fois. Il y a une super bonne intonation, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors, clairement, la chanteuse, on sent qu'elle a une formation jazz. D'ailleurs, c'est le cas, hein, tous les deux, lui, c'est un pianiste de jazz au départ, elle, c'est une chanteuse de jazz. Ils se sont rencontrés autour de standards de jazz. Donc, voilà, il y a vraiment, là, sur les textures, les polyphonies, j'y reviendrai, mais c'est vraiment de très grande qualité, quoi. Alors ouais, effectivement, démarrage sur la voix toute douce encore une fois et qui va chercher des notes super étonnantes, toujours avec beaucoup de délicatesse et sans jamais être maniéré. Alors c'est peut-être la signature du jazz. Il y a une référence moi qui me revenait sans arrêt en écoutant, c'était encore une fois comme on en avait parlé en évoquant Mike Patton, c'est Burt Bacharach. Et en fait c'est pas n'importe quelle chanson de Burt Bacharach puisque Burt Bacharach est compositeur, mais il faisait intervenir auprès de lui des chanteurs et des chanteuses. Il a fait intervenir Tom Jones, etc. Et en fait, il avait une chanteuse phare, on va dire, qui est... alors, je sais pas trop le prononcer, on va le prononcer à la française, Dionne Warwick, et qui a un timbre de voix assez proche, et en tout cas dans ses intonations, autant de délicatesse que, oui, que la chanteuse de Bird and the Bee, et que moi j'aime énormément. Donc je vous mettrai des extraits sur le blog, il faudra vraiment aller chercher ça. C'est des morceaux en plus qui sont très très connus, mais qui sont vraiment très chouettes. Juste une chose que toi t'as pas dit, et ouais, qu'on retrouve beaucoup dans l'album, en fait ils ont des influences jazz, mais je sens vraiment très fort des grosses influences hip-hop en fait. On le entend beaucoup dans le refrain, oui, la scansion des phrases, etc. Et surtout tu parlais des polyphonies, alors il y a effectivement des polyphonies, mais il y a un deuxième truc qu'elle fait souvent, c'est des voix en backing qui viennent souligner certaines syllabes, et ça, oui, c'est quelque chose qui est très très très très très typique du rap justement. Donc elle commence sa phrase et puis il y a des voix en plus qui viennent appuyer sur certaines syllabes. Oui, mais c'est chanté. Voilà. Mais c'est chanté, mais... contrairement au rap où c'est scandé. Ouais, voilà, mais l'intention est dedans. Et c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, si t'avais pas eu ce regard-là, vraiment, tu réécouteras, mais c'est quelque chose qui est très, très présent. Il y a autre chose que j'aime bien, on parlait de délicatesse, il y a quelque chose que je trouve vraiment très amusant dans ce groupe, c'est que dans le refrain, elle a une phrase, elle dit « don't take shit ». Et en fait... Ouais. Je parlais de délicatesse parce qu'en fait, elle a suffisamment, ils ont quelque chose d'assez rigolo. Elle dit pas vraiment don't take shit, en fait. Elle dit don't take sh. Et elle le chuchote, en fait. Et comme, oui, si elle disait chute à la place. Ouais. Et, oui. Enfin, le hush en anglais. Et du coup, c'est quelque chose d'assez rigolo. On va retrouver ça parce que ils ont un rapport assez particulier à la politesse et aux gros mots. Vous verrez, oui, c'est assez amusant. On va en parler dans le morceau d'après. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve vraiment chouette, cette délicatesse. On le retrouve même dans l'usage des paroles. Ouais. Ouais, complètement. Alors, on va passer du coup à un morceau où ils assument complètement le gros mot malgré la douceur de leur musique avec le titre Fucking Boyfriend. Fucking Boyfriend. Nothing, give me hopeless up to something on my knees. Would you ever be my, would you be my fucking boyfriend? Would you ever be my, would you be my... Alors, fucking boyfriend. Donc, fucking boyfriend, quand même, qui leur vaut d'avoir un petit logo explicit lyrics sur Google Play. Donc si vous utilisez un filtre parental sur Google Play, bah, vous n'aurez pas Bud and the Bee alors que c'est de la musique toute délicate parce qu'il y a un titre avec plein de gros mots. Enfin, c'est toujours le même, hein, c'est fucking boyfriend. Alors, c'est effectivement très décalé. Il y a un chant tout mignon et puis il y a un gros mot dedans, quoi. Donc, enfin, voilà, le refrain, ça fait « Would you ever be my, would you be my fucking boyfriend ?» Et bah, on retrouve le côté assez minimaliste dans la programmation des beats. Voilà, un son lo-fi, voilà, assez vintage. Un synthé style 8 bits, un petit peu, ça fait penser au son de console. Encore très particulier. C'est un morceau que je trouve assez étonnant parce qu'il me rappelle quelque chose que généralement on déteste, qui est cette espèce de soupe musicale qu'on entend dans les magasins de fringues. Il y a un côté pop passe-partout dans l'instrumental, et malgré tout, tu sens que c'est pas fait par n'importe qui, et du coup, ben, disons que ça m'y fait penser, et en même temps, je reconnais que non, c'est très très bien. Le titre Fucking Boyfriend, étonnamment, c'était leur single, en fait, apparemment. Ah oui. Et tu parlais de censure, c'est pire que ça, parce que moi, cet album, je le connais depuis longtemps, et je le connais par cœur, mais pour préparer l'écoute, je l'écoutais sur Deezer, et dans Deezer, c'est pire que ça, ils utilisent un radio edit tout pourri, où le mot fucking disparaît, et ils s'embêtent pas à mettre autre chose, ou à faire un ch, ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment Would You Ever Be My Boyfriend. Ah ouais, d'accord, parce qu'ils doivent utiliser la version, tu sais, comme il y a dans le rap et tout ça, qui est ouais, ça m'a fait penser à Eminem. En fait, ça radio, m'a fait penser à Eminem, où t'as des chansons oui, pleines de trous. T'as des trous de partout. Ouais. Et ben là, c'est exactement ça. Donc le titre Fucking Boyfriend, ne l'écoutez pas sur les plateformes de téléchargement type Deezer, parce que c'est de la merde. Il faut écouter ça ailleurs, parce que vous ratez en plus le sel de la chanson, quoi, le petit truc rigolo. Ouais, c'est un morceau très très radiophonique. Les paroles ont l'air d'être assez ironiques en plus. Voilà, c'est un morceau très cool et assez étonnant. C'est vrai que ce rapport au gros mot, bah voilà, bim, on en parlait il y a deux secondes, il arrive là avec le Fucking Boyfriend. C'est un chouette morceau. C'est pas mon préféré de l'album, mais c'est un chouette morceau. On peut passer tout de suite au numéro 4, donc on va enchaîner avec le morceau I'm a Broken Heart. Alors, I'm a Broken Heart, vraiment une de mes préférées de l'album, une progression d'accords magnifique, une phrase qui se décale sur le refrain. Donc ça me fait penser à Burt Bacharach par la composition. Donc, Burt Bacharach, c'est un compositeur de chansons des années 60. Il a fait plein de tubes. C'est celui qui a fait I Say a Little Prayer de Aretha Franklin. C'est celui qui a fait What the World Needs Now is Love. Il a fait aussi Raindrops Keep Falling on My Head. Donc voilà, plein de tubes des années 60. Tu veux dire, donc, toute la pluie tombée sur moi. Oui, oui, tout à fait, que ça a été traduit. Et donc, ça me fait penser à ça par la composition, mais aussi par l'arrangement, par la production. Là, il y a un piano, genre un piano de piano droit, un peu désaccordé, piano maison, quoi. Une guitare ressort, donc une guitare ressort, c'est... enfin, une réverbe à ressort, plutôt. C'est ce qu'on utilisait aussi dans les années 60 avant qu'on puisse faire des réverbes numériques. Donc, en fait, dans l'ampli, il y avait un petit ressort qui faisait que... Ça faisait une petite réverbération, comme ça. Ça se donne un son très typique qu'on retrouve dans... souvent dans la musique des années 60, dans la Motown, voilà. Et puis, il y a aussi des cuivres, juste ce qu'il faut ici, c'est super beau. Je crois qu'il y a juste du sax ténor et du trombone, pas de trompette, avec un magnifique solo de trombone, un instrument qui est rarement mis en valeur. Voilà, c'est vraiment super beau, ça renforce la douceur du titre ici. Vraiment, mon coup de cœur pour cet album. Eh bien, mon coup de cœur aussi, mon morceau préféré. Alors, je dis ça, mais en fait, je dirais peut-être pour d'autres, hein, mais clairement, c'est vraiment un de mes chouchous. Effectivement, alors moi, j'aime beaucoup Burt Bacharach, c'est le morceau qui fait le plus penser. Il y a les accords de piano plaqués qui rappellent ça. T'as parlé des instruments qui sont utilisés, il y a des cuivres, etc. C'est vraiment un morceau que je trouve vraiment tellement beau. J'ai pas vraiment besoin d'en rajouter finalement. Il a un côté un peu long à la fin une fois que le solo est passé, mais c'est pas désagréable parce qu'en fait c'est un morceau qui donne envie de se poser tranquillou au chaud et de se lever quelque part. C'est vraiment un morceau qui est vraiment très qui met dans une ambiance très confortable. Pas grand chose à ajouter. Franchement, la seule chose que je dirais, c'est foncez écouter ce morceau dès que vous pouvez en entier parce qu'il en vaut vraiment la peine. C'est un énorme coup de cœur. Ouais ouais. Carrément. On passe au titre numéro 5, donc La La La. La La La. Alors, la la la la la, y a vraiment le côté naïf qu'on retrouve ici, voilà, naïf mais pas lié, c'est un peu, c'est la vie est belle et tout ça, mais c'est bien fichu. Ça me donne l'occasion de parler de un petit truc technique qui est que, en fait, tous les titres, je dirais, enfin, ils sont chantés au moins la moitié en voix de tête. Alors, la voix de tête, c'est quoi ? C'est, là, je vous parle en voix de corps, et puis si je veux monter plus aigu, je vais utiliser ma voix de tête, et donc, voilà, je vais faire résonner mes cordes vocales un peu différemment. Et alors, c'est ce qu'on fait quand on a besoin de chanter aigu. Et je dirais que la chanteuse, elle utilise sur la moitié de ce qu'elle chante de la voix de tête. Ça donne ce côté très aigu, et ça donne ce côté enfantin, un peu naïf. Et donc, ça, voilà, ça participe vraiment à l'identité du groupe. Complètement d'accord. Alors, surtout, attention, faites attention, c'est une chanson et surtout, c'est un refrain à texte. Donc le texte du refrain, la la la, la la la, la la la. Mais ça n'empêche que c'est un super morceau. Hein. C'est une chanson vraiment feel good. C'est la petite chanson qui est là pour se sentir bien, avec un petit tambour, hein, une petite guitare acoustique. Il y a un solo dedans qui est sympa. Alors le solo est cool parce qu'il est c'est un unisson entre une trompette et un clavier. C'est vrai, c'est un petit truc vraiment une petite curiosité. On sent ouais. Que de toute façon dans chaque morceau en fait le producteur et compositeur principal s'amuse à aller chercher un petit truc différent pour chaque morceau, ce qui fait qu'on a une unicité vraiment, parce que les ambiances sont toujours les mêmes, on a toujours cette douceur caractéristique, mais on a toujours une trouvaille. Dans le morceau précédent, c'était le solo de trombone, là on a ça, après on verra plus tard qu'il y a un passage avec des arpèges super rapides au clavier qui sont très très beaux, et c'est vraiment des trucs intéressants. Après, personnellement, c'est un titre que je trouve un peu en dessous, mais en fait, c'est parce que je connais l'album depuis longtemps. Je me souviens que quand quand je découvrais l'album, cet album, je lui retirais rien. C'est-à-dire que quand je le mettais dans mon MP3 pour l'écouter, je devais faire un peu de tri, laisser de la place. Et celui-là, j'arrivais pas à le couper. J'arrivais pas à retirer de morceaux. Parce que j'y trouvais toujours quelque chose. C'est-à-dire que le morceau là, là, là, même s'il me plaît moins maintenant, il y a des moments où on se dit, ah, j'aimerais bien écouter un petit morceau feel good. Et c'est le morceau parfait. Donc, c'est une lecture a posteriori qui fait que je trouve un peu en dessous, mais non, ça reste un truc vraiment super. Ce morceau, cet album-là a pas de titre pour remplir de ou quoi que ce soit. C'est un album très équilibré, donc là là là, c'est un très très bon morceau. On passe au titre numéro 6, My Fair Lady. Alors, My Fair Lady, My Fair Lady, très très bon titre encore. Des polyphonies en mode. Alors, j'en parlais tout à l'heure, et là, c'est encore plus clair. Ça évoque clairement les groupes vocaux des années 40-50. Alors, je suppose que vous connaissez Retour vers le futur et la chanson Mr. Sandman qui fait. Et donc, il y a ce côté groupe trio, quatuor de chanteuses. Quasiment a cappella, qui chante en fait tout le temps en harmonie. Aujourd'hui, il y a un groupe comme les Pupini Sisters qui ont un trio vocal, groupe rétro en fait, qui volontairement évoque les années 40. Et c'est un côté, il y a clairement un travail là-dessus. Et c'est un côté qui est exploité dans un autre groupe de la chanteuse qui s'appelle The Living Sisters. Et elles sont quatre chanteuses. Alors c'est un petit groupe, un petit side project, mais ils ont quand même, alors je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à avoir un clip qui a été réalisé par Michel Gondry, que je vous conseille. Et là, c'est du Michel Gondry, c'est assez décalé, avec trois écrans séparés, de trucs qui se passent en même temps. Un truc assez décalé. Encore une fois, ça participe à toute la subtilité de la chanson. Délicatesse, subtilité, on le dira pas assez. C'est vraiment quelque chose qui caractérise ce groupe. Tout à l'heure, je disais que mon morceau préféré, c'était I'm a Broken Heart, et c'était il n'y a pas si longtemps. Et en fait, My Fair Lady, c'est le deuxième morceau pour lequel je me dis « Ah ben, c'est aussi mon morceau préféré !» Le refrain est juste magique, quoi. On a des couplets qui sonnent un petit peu mystérieux. Alors, il y a un truc que j'aime bien, moi, dans la façon qu'il a de gérer les percussions. Ce sont souvent des percussions électroniques, et ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression qu'il coupe dans sa production tout ce qui va être l'impact de la percussion. En gros, c'est comme s'il enlevait le début du signal ou qu'il le réduisait très fort, ce qui fait que la percussion est beaucoup plus diffuse. Et je pense que ça participe justement de cette douceur qu'on entend pendant tout l'album. Donc dans ce morceau-là, on entend beaucoup ça. Donc si vous voulez vraiment voir ce que ça donne, écoutez ce morceau-là, c'est très représentatif. C'est un de mes morceaux préférés. Il a ce couplet assez étonnant. Ça me fait penser un peu à une ambiance à la James Bond avec on a un petit riff chromatique au clavier qui est vraiment sympa. Oui. Et puis après, on arrive au refrain. Et le refrain, effectivement, tu parlais de Mr. Sandman, ça permet pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de chant de se figurer ce que ça donne. Effectivement, les harmonisations de voix, elles sont superbes. Et surtout, elles sont complexes, quoi. Si vous essayez de les écouter dans le détail, vous verrez que elles sont changeantes, déjà, et elles sont vraiment, vraiment très techniques. Si vous voulez vraiment profiter de ça, il y a un passage, en fait, juste après le pont, où l'instrumental est ultra épuré pendant quelques petites secondes. Et ça permet, et du coup on laisse que le clavier, et à ce moment-là vous entendez toutes les voix. J'ai un ami qui n'aime pas quand c'est des prouesses de studio, c'est-à-dire que le chant, vous retrouverez jamais ça en concert. J'ai jamais essayé de regarder des lives de Bird and the Bee, mais effectivement vous perdez forcément quelque chose quand vous retirez trois voix ou deux voix. Et là en l'occurrence c'est de la performance de studio, elle se double elle-même, elle fait ses lignes de chant séparées elle-même, et je trouve, alors on va parler du coup d'une vision de la musique, ce copain qui a ce point de vue là, je le comprends complètement. Il a une vision qui est peut-être un peu plus live de la musique. Un des trucs qui me caractérise vraiment beaucoup dans mon écoute musicale, c'est la prise de studio permet de sortir la musique qu'on a dans la tête et de faire fi justement de tout ce qui n'est pas possible à faire en réel. Donc ça permet de mettre plein d'instruments alors qu'on n'en a qu'un sous la main, ça permet de faire un ultra groupe en étant tout seul, ça permet de mettre plein de voix et de mettre plein d'harmonisations avec le même chanteur ou la même chanteuse. J'aime bien l'idée que quand on a un produit final dans les mains, on se dit, ça a été, il y a eu tellement d'étapes de validation que ce qu'on entend, c'est ce que les gens voulaient nous offrir au départ. Alors que le live peut pas permettre ça forcément. Le live, il va avoir d'autres atours, il va avoir d'autres choses qui vont plaire, notamment la spontanéité, le rapport avec le public, tout ce que vous voulez. Mais le côté très pur de ce qu'est la composition en elle-même, on le retrouve que sur un album. Et là, en l'occurrence, c'est l'exemple typique. Je sais pas du tout ce que pourrait donner un morceau comme celui-là en live. J'ai pas cherché et j'ai même pas envie d'aller chercher parce que je sais que je vais pas y trouver ce que j'aime dans cette version-là. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur ce morceau-là. Yes. On passe au numéro 7, I Hate Camera. Oh, how the camera has misspoke. Alors, I Hate Camera, eh bien, très bon titre encore. J'ai pas grand-chose à dire de plus que ce qui a été déjà dit. Il y a les claviers vintage, lo-fi, 8 bits, programmation style années 80, des polyphonies encore super belles avec des ta-ta-ta-ta-ta qui se superposent. Encore, donc, à l'image du reste de l'album, il y a une vraie cohérence au niveau de l'album, voilà, dans une cohérence stylistique. En ce qui me concerne, c'est un morceau que j'aime moins que le reste, mais il reste intéressant. Je disais tout à l'heure que le producteur, dont j'ai oublié le nom, il disait que, enfin, on avait la sensation qu'il ajoutait dans chacun morceau un petit truc en plus. Et je trouve que celui-là, pour le coup, on a un petit couplet assez sympatoche qui est introduit par les papapa du début. Et puis, arrive le refrain, et le refrain il tranche beaucoup avec ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant parce qu'il est beaucoup plus chargé que ce qu'on a eu jusqu'à ce morceau-là. Je sais pas si c'est parce qu'il y a plus d'instrus, si c'est les niveaux qui sont plus forts, si justement on n'est pas sur quelque chose de beaucoup plus dynamique que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, mais le refrain tranche pas mal par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Il y a encore des très belles harmonies dans la voix. C'est un morceau un peu trop feel good là justement. T'as là on parlait de chanson feel good avec la la la. Là c'est juste un poil trop pour moi. Ça n'empêche que comme je disais, la remarque pour la la la c'est la même. C'est-à-dire que quand je le mettais dans MP3, je savais pas le retirer. Il y avait toujours un truc que t'avais dedans. Je mentionnais tout à l'heure un passage avec des arpèges au clavier. C'est dans ce morceau-là que ça s'y trouve. Le pont c'est justement un passage au clavier assez rapide. Et en fait ce sont deux claviers qui se répondent. Alors un peu comme on peut retrouver facilement dans la musique classique. Alors je vais pas citer le nom, je ferai mes petites recherches dans mon coin et je mettrai un exemple sur le blog. Je pense que du côté de Bach on peut trouver facilement ce genre de choses. Ouais, il y a du clavecin dedans, il me semble, c'est du clavecin. Voilà, je pense qu'il te fait penser à la musique baroque. Voilà, je parle de clavier mais effectivement c'est un son de clavecin et la façon de répondre que les voix ont de se répondre, ça évoque ce genre de choses. Il y a un truc que je trouve rigolo quand même, c'est dedans, je sais pas si t'as fait attention, mais il y a une fausse fin. Et là, on retombe sur les harmonisations de chants qui sont vraiment très très chouettes. Oui, c'est un petit morceau sympa. C'est pas mon préféré, mais ça reste un très chouette morceau. On passe au titre numéro 8, donc Because. It's all become so crystal Alors, Because, je l'aime moins celui-là. Je mettrai un petit bémol sur l'album parce que je trouve qu'en fait, il décolle pas. C'est-à-dire que c'est toujours un peu la même chose. Et j'attends un moment que ça parte sur autre chose et en fait non. Voilà, c'est un petit bémol, tout relatif par rapport à l'album. Même remarque par rapport à la programmation minimaliste, électro, voilà. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Ouais, j'ai noté que c'était un titre un peu en dessous. Je suis assez d'accord. C'est le titre hip-hop de l'album, je trouve. Alors même chose, hein, il y a des espèces de mécaniques du hip-hop. Tout à l'heure, je parlais des syllabes qui étaient doublées. Là, on a un truc qu'on retrouve aussi parfois, c'est on utilise un mot et on termine les phrases. Donc du coup, le mot because revient à chaque début de phrase. C'est because, nanana, because, nanana. Et Oui, il y a un côté un peu hip-hop, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on le retrouvait sur l'album, on le retrouve notamment à cet endroit-là. Par contre, moi ouais. j'aime beaucoup le refrain. Alors, je suis d'accord avec toi pour dire que ça décolle jamais vraiment, et en même temps, dans le refrain, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le côté un peu paresseux, qui colle d'ailleurs assez bien aux paroles, parce qu'elle dit donc oui, when I'm tired, so I'm so very tired, ouais. and when it's done, it's like I've killed someone. Il y a un côté voilà, lassé, fatigué, blasé, et qui me plaît à chaque fois. C'est-à-dire que les refrains, je les trouve moins intéressants. Encore que quand dans la deuxième partie du morceau, elle ne chante plus, on entend l'instru et on se rend compte que bah tu parlais tout à l'heure des petites expérimentations avec des vieux claviers, etc. T'entends des ou de la programmation, t'entends des petits bruits, des petits trucs derrière qui sont assez chouettes. Ouais. Mais c'est trop répétitif peut-être. En l'occurrence, faut l'écouter pour le refrain, parce que le refrain, il a vraiment un petit truc à part que moi j'aime beaucoup, et cette lassitude dans les paroles, je la trouve vraiment chouette. Ouais, ouais. Donc, on passe au numéro 9, on arrive sur le titre Preparedness. Ouais, Preparedness, eh bien, pas grand-chose à dire non plus, parce que à l'image de l'album, tout en douceur, en subtilité, encore une fois, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire sur ce titre, qui est un très bon titre par ailleurs. Pas d'autre chose à dire que ce que j'ai déjà dit. Mais je crois que Dame, il a un truc particulier à vous dire sur cette compo. Ah oui, exactement. En fait, pour la petite histoire, j'avais... parlé plusieurs fois de Bird and the Bee à Tom il y a quelques années, et c'est le morceau que je lui ai collé dans les pattes, parce que il a un petit truc en plus qui moi m'a fait fondre. Je vais parler de ça à la fin de ce que je vais dire sur ce morceau là. Alors je vais répéter pour la troisième fois du coup que c'est ma préférée, donc je confirme ce que je disais tout à l'heure avec I'm a Broken Heart, donc c'est juste un album où j'ai trois préférés, tout va bien. C'est vraiment une que je trouve très chouette. Alors elle est basée sur de la percussion en fait. De la percussion essentiellement, et une toute petite mélodie jouée au clavier qui fait penser à une sonorité un peu type xylophone ou quelque chose comme ça, quelque chose de très très doux, encore une fois quelque chose de très enfantin. Tout à l'heure tu parlais de la voix de la chanteuse qui fait penser à l'enfance, oui. Et c'est vrai que là on a un côté peut-être boîte à musique ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas vraiment de refrain, et c'est là que ça devient intéressant. Le refrain n'est pas vraiment un refrain finalement, c'est plus une pause où la chanteuse laisse sonner un « ouh » en voix de tête, super doux. Et là, on entend justement le côté très très merveilleux en fait de l'instrumentalisation derrière. Et puis arrive le moment pour lequel j'avais demandé à Tom d'écouter le titre. On arrive sur le pont. Et en fait, pendant le pont, la chanteuse répète une phrase. Elle dit Are you prepared? Non, non, non. Are you prepared? Are you prepared? Et en fait, il y a quelque chose, c'est que derrière, on entend la percu qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. En fait, on a une espèce de caisse claire. Non, c'est pas une caisse claire, c'est un tome. On entend un tome qui monte derrière. Et on s'attend du coup à un climax. On s'attend à ce que, enfin, puisqu'on n'avait pas de refrain jusque-là, on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive derrière, quelque chose qui ouvre le morceau. Comme si on était comprimé depuis le début et qu'on allait se libérer. En plus de ça, la phrase qu'elle utilise, elle est pas anodine quand elle dit Are you prepared for... En plus, elle dit à un moment donné Are you prepared for the atom bomb? Donc on est vraiment sur est-ce que vous êtes prêt à la bombe atomique, quoi. Donc on se dit ça va monter, il y a les tomes qui montent, il y a tout ce qui monte. Et là ça va exploser. Voilà, ça va exploser, et c'est là que moi le morceau me fait fondre, mais ça me fait des frissons à chaque fois que je l'entends. Ça n'arrive pas, et c'est pire que ça. Non seulement ça n'arrive pas, mais c'est même pire, c'est complètement désamorcé. Au moment où elle s'arrête, on retombe juste sur les notes de clavier. C'est encore plus doux que tout ce qu'on a eu depuis le début, et c'est ce que moi j'appelle un anticlimax. Et toi, je sais, Tom, que quand je te l'avais fait écouter, t'étais passé à côté. Alors que moi, c'est le truc qui m'a sauté au visage et qui fait vraiment tout le sel de ce morceau. Je n'écoute ce morceau que pour entendre ce passage-là. Ouais. C'est marrant, ouais, que ça t'ait autant marqué. Oui, moi, ça m'a pas marqué. À la première écoute, maintenant que tu me l'as dit, effectivement, quand je l'écoute, je note ça, mais c'est très damiennesque ce que tu me dis là. Tu remarques plein de petites subtilités comme ça et tu es capable de kiffer un morceau juste pour ça. Oui, bah d'ailleurs, le principe même du podcast, c'était parce que je partais d'un concept tout bête, mais qui était de se dire, la plupart du temps, quand on parle de musique avec des gens, et notamment moi, je suis très chiant, j'analyse et je suranalyse tout. Ce qui fait que du coup, j'écoute de la musique, et notamment ce morceau-là, je sais exactement dire pourquoi j'aime un morceau, pourquoi j'aime pas. Alors on verra qu'il y a des exceptions, mais la plupart du temps, quand un morceau me plaît, je sais exactement ce qui me plaît dedans. Et là, en l'occurrence, c'est un exemple typique. Je pense que ce morceau-là, si on l'écoute avec une oreille qui est pas justement dans l'analyse, on peut passer à côté d'éléments comme celui-là. Par contre, je sais pas si c'est psychologique, psychique, j'en sais rien, mais je pense que c'est tout l'effet. Et de la même manière, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit un effet voulu. Si moi je le remarque, c'est que quelqu'un l'a composé comme ça. Et quand on sait la charge de travail que ça demande de composer puis d'enregistrer un album, je peux pas imaginer une seule seconde que cet anticlimax. Moi, j'imagine très bien le producteur se dire, on va faire monter le tome et tout. C'est d'autant plus que le tome sature à la fin, c'est-à-dire que le niveau d'entrée doit être trop élevé au fur et à mesure et ça sature réellement. Et donc je me dis, il y a une volonté une sorte d'explosion qu'il désamorce. Donc je dis pas que je suis un génie de l'avoir remarqué. Je dis simplement que je mets les mots dessus. Et voilà. C'est une des raisons pour lesquelles que je t'ai invité à faire ce podcast. Mais oui, c'est un exemple typique là pour le coup. Vraiment un énorme coup de cœur. Donc du coup, j'efface ce que j'ai dit pour I'm a Broken Heart. C'est celui-là mon préféré. Et le jour où on reparlera de I'm a Broken Heart, je redirai que c'est I'm a Broken Heart mon préféré. On passe au titre numéro 10, celui qui clôt l'album, le titre Spark. The night, just for a while, to see if I'm finer. Live like I'm finer. Alors, Spark, ce titre, je l'aime un petit peu moins aussi. Que les autres de l'album. C'est une balade atmosphérique, il n'y a plus de batterie, il n'y a que des nappes de clavier en fait. Voilà, petit bémol aussi sur celle-là, je la trouve moins. On retrouve moins les gimmicks dont on vous parlait, de la programmation minimaliste, les sons vintage, des harmonies. Là, il y en a moins. Donc, je sais pas ce que toi, t'en as pensé, Dame. Pour le coup, c'est un morceau que j'aime bien et même que j'aime beaucoup. Il a, alors, cette nappe de son qu'on entend derrière, effectivement, c'est du clavier. Au début, je me demandais si c'était pas du theremin. Il est possible que ce soit de toute façon de la prog et donc un son qui est un peu entre les deux. De toute façon, il est très trituré le son, on sent qu'il est loin derrière, c'est quelque chose d'assez spécial. Il y a pas de percussion et c'est le seul titre vraiment mélancolique de l'album. C'est le seul qui soit tristoun, quoi. Il a quelque chose d'assez c'est pas triste, c'est pas un truc qui veut tirer les larmes. Mais on est sur un titre vraiment mélancolique. Alors, le fait est que jusque-là, on avait de la douceur, on avait des trucs très dansants, et là, pour le dernier morceau, on décide de faire quelque chose de différent, quelque chose de très aérien, avec des nappes très lointaines. Ça libère vraiment beaucoup le chant. Il y a des nappes de chant aussi à partir du deuxième couplet, c'est-à-dire que le chant est utilisé comme un instrument dans la deuxième partie. C'est quelque chose de très répétitif, mais c'est super doux. Je trouve ça rigolo qu'il termine un album qui était super gay par un truc comme celui-là. On dirait presque un au revoir triste. Mais c'est un morceau que j'aime beaucoup. Alors je comprends que toi ça n'est pas accroché. Moi c'est un que j'aime énormément. Ouais. Alors on pourrait dire que on a terminé avec cet album-là, mais en fait après un petit échange avec Tom, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait absolument qu'on introduise un morceau de plus qui n'est pas sur l'album, mais sur le prochain. Alors on fera a priori peu d'entorses dans cet esprit-là, mais comme je voulais faire en sorte de garder un album par groupe pour éviter d'être trop redondant, on ne parlera pas d'autre album de Bird and the Bee. Mais le deuxième a son lot de morceaux très chouettes, et il y en a un que je voulais absolument évoqué, c'est le titre qui s'appelle Polite Dance Song. Oui, alors Polar Dance Song, eh bien, cette chanson, encore une fois, on retrouve le côté décalé. C'est très rigolo parce que cette chanson, donc, en fait, ça reprend les clichés qu'on entend, qu'on entend dans plein de chansons d'habitude. Le côté, voilà, allez, il faut bouger, put your hands in the air, enfin, les gimmicks qu'on retrouve sur des centaines de chansons. Et en fait, ça les prend, ça les tourne en dérision et ils demandent tout poliment. Donc, c'est, si je vous le traduis, c'est « S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez lever les mains? S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez danser? Allez, faites un petit effort et puis bougez votre popotin, quoi. » En gros, c'est ça. Et donc, c'est assez décalé. C'est très sympa comme chanson. Donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'on voulait la rajouter. Ça renforce ce qu'on disait sur « Fucking Boyfriend » et le côté à la fois naïf et en même temps, ils savent ce qu'ils font, quoi. Effectivement, je trouve qu'il y a un côté parodique, en fait, finalement, dans cette façon de faire sur les chansons qui sont très vides. Le refrain est super ironique. Alors, je peux donner une autre phrase que t'as pas donnée. C'est « Pardon me for losing my cooling », qui voudrait dire « Excusez-moi, pardonnez-moi de perdre mon calme. Oui. » Et alors qu'elle le dit, mais d'une façon presque timide. Mon manque de calme. En s'excusant, etc. Il y a vraiment... Ouais. C'est tellement décalé. En fait, je pense que ce morceau-là, si on parle pas anglais, il reste un excellent morceau. Par contre, on loupe, mais 90% du truc. C'est vraiment un morceau très chouette. Après, il respecte ce qu'on a vu déjà jusqu'à maintenant. Hein. Les couplets sont très fidèles à ce qu'on connaît. Oui. Très délicat pour le chant, très pop pour l'instru. Voilà. Le refrain est très marrant. Mais il y a un gros truc, il y a vraiment un gros plus à partir du deuxième refrain. En fait, à la fin du refrain, il y a une montée de piano. Le piano fait quelque chose qui fait à partir du deuxième ou du troisième couplet, c'est il y a des voix qui l'accompagnent en faisant des la la la. Donc en faisant la la la la la la la la la la la. Et ça accompagne donc la montée du piano et ça donne énormément de relief. Donc moi j'aimais déjà le morceau à partir des paroles, à cause des paroles et du refrain, etc. Et puis arrive ce truc là qui moi il y a des moments comme ça où ça me met des frissons. Je trouve que c'est une trouvaille extraordinaire. Et alors, ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi, ce truc-là, le la-la-la, je le trouve magnifique. Il y a aussi autre chose qui est très, très, très, très beau dans le morceau. Il y a le pont. Il y a deux choses qui reviennent, en fait. On a... La chanteuse dit deux choses. Elle dit « Apologies, apologies, apologies, apologies ». Donc, excusez-moi, en gros. Et puis, derrière, elle termine par un « Would you please ?» Et donc, derrière, se répond d'un « Apologies » et de l'autre côté « Would you please ?» Donc, excusez-moi, est-ce que vous pouvez ? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez ? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez ? Et ça se termine par « Would you please clap your hands ?» Donc, est-ce que vous pouvez applaudir ? C'est à la fois très drôle, mais ce serait ignorer la partie musicale dans cette chose-là, parce que en fait les voix qui se répondent sont juste sublimes. On a des, comme on expliquait pour l'album, des lignes de chant qui sont vraiment extrêmement subtiles. J'adore le please dans cette phrase-là, ça m'amuse beaucoup. Pour le dernier couplet, il est plus saccadé que le reste. C'est assez intéressant d'ailleurs aussi. Elle coupe ses mots. C'est assez marrant, si vous ferez attention. Et retour des Would You Please, etc. Alors, je voudrais absolument parler d'un. Alors, on n'est pas dans les recommandations, mais ça me semble propice de le faire à ce moment-là. Il y a sur internet des tas de gens qui ont repris cette chanson. Et je mettrai en lien sur le blog une reprise. Une reprise faite par deux mecs, alors visiblement anglais, parce que vu l'accent, c'est britannique, c'est certainement pas américain. Et les deux gars, en fait, jouent ça dans leur chambre, avec des guitares de jazz manouche. Ils chantent assez bien. Ouais. Et du coup, le passage Apologies et tout ça, ils le jouent super bien. Et c'est étonnant de voir des gens qui font des reprises comme ça, très très modestes. Le son, c'est le son de la caméra, donc du coup on entend du souffle, bref, mais la démarche est tellement sincère, et puis il y a un gars qui oublie les paroles, etc. C'est vraiment mignon à regarder, et ça en est tellement bien que moi j'ai récupéré la version MP3, je l'ai mise dans mon lecteur MP3 pour me promener avec, et je prends un vrai plaisir à écouter cette version là qui est pourtant ultra cheap, mais qui est vraiment très très chouette. Donc Donc on a terminé avec l'album de Bird and the Bee, avec un petit bonus avec la chanson Polite Dance Song qui vient du deuxième album, qu'on vous recommande chaudement également. Tom, une petite conclusion peut-être sur ton écoute ? Oui, alors, par rapport à l'album, je dirais que ça semble être fait avec un petit budget. Il n'y a pas des couches d'instruments et tout ça, ils sont que deux. Voilà, on sent le truc fait en studio. C'est simple, mais c'est efficace parce que c'est fait avec goût. Alors, le petit bémol que je mettrais, mais voilà, encore qui est tout relatif, mais c'est que c'est pas non plus exceptionnel, en fait. C'est-à-dire que je me posais la question là récemment, je me disais, mais en fait, où est-ce qu'il est le génie là-dedans? Et je me disais, en fait, c'est vraiment un peu un réflexe un peu égoïste, en fait, parce que moi-même, je fais des arrangements, par exemple, j'ai fait des trucs avec ma sœur et tout ça, et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel là-dedans? Donc, pour être mauvaise langue, je vais faire ma mauvaise langue. Je me disais, est-ce que en fait c'est le réseau que le claviériste il a qui les a fait connaître, tu vois, parce que si c'est un si le gars il est producteur, qu'il a fait plein de productions, tu vois, est-ce que en fait grâce à son réseau c'est ça qui les a fait avoir un contrat avec un label, etc. Est-ce que c'est le fait aussi que la chanteuse, alors la chanteuse on l'a pas dit, mais c'est la fille du fondateur de Little Feat, qui est un groupe de rock des années 70. Donc voilà, ça c'est vraiment pour faire ma mauvaise langue, mais parce que en même temps, je dirais que c'est vraiment très très très sympa, c'est très agréable à écouter, voilà. Et on s'en lasse pas aussi, parce que justement, il y a plein de subtilités qui font que, voilà, on peut le réécouter plein de fois sans s'en lasser. Alors, je comprends ton point de vue, parce que, effectivement, groupe de Los Angeles, producteur à succès, effectivement, ils sont dans le bon milieu, ils sont au bon endroit, et clairement, ils font une musique qui est très inspirée des 60s et compagnie, donc du coup, finalement, c'est une musique assez intemporelle, puisque Burt Bacharach, encore aujourd'hui, vous le mettez dans un film, ça passe tout seul. Donc effectivement, bon endroit, bon moment, et en plus de ça, bonne relation et bon réseau. Je pense que t'as raison, dans le sens où des groupes comme ça, il doit y en avoir un bon paquet en fait qui existe, des groupes qui font de la pop avec des idées, avec une ouverture beaucoup plus large, comme tu disais, de la pop intelligente, oui, voilà, des groupes qui éventuellement ajoute des influences de jazz, des sonorités très douces, etc. Il doit en avoir un paquet. Ça n'empêche que l'album est très bon, qu'il mérite le succès qu'ils ont, mais en même temps, j'ai pas l'impression que ce soit un succès non plus gigantesque. Ça reste une musique, à mon avis, qui s'adresse essentiellement à des initiés, des gens un peu pointus, qui ont envie d'écouter des trucs variés. Donc, je me dis, ça aurait juste pu être un groupe qui... Il sortirait aujourd'hui, cet album-là, ce serait sans doute un groupe qui vend ses 1000 ou 1500 albums sur Bandcamp, et voilà, quoi, qui se partage de blog en blog parmi des gens qui ont une oreille un peu exigeante. Bon, le fait est qu'ils ont fait une carrière parce que ils ont eu des belles opportunités. Je disais en introduction qu'ils avaient eu la chance de passer dans Grey's Anatomy, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste quelque chose qui a beaucoup d'audience. Et puis après, c'est passé dans des films, dans des bandes annonces, du coup ça a été repris. La série dont je parlais, c'était une série française, donc du coup ça revient en France. Pour autant, si je me promène dans la rue et que je demande à quelqu'un de parler de Bird and the Bee, je pense que j'aurai devant moi quelqu'un qui aura aucune idée de ce dont je parle. Donc voilà, c'est effectivement, je pense que tu peux avoir raison là-dessus. Après, justement, je trouve que tu t'as dit un mot que j'allais dire, c'est la subtilité. Il y a quelque chose de vraiment extrêmement réussi. C'est-à-dire que dans son genre, je pense que c'est un album parfait. C'est équilibré, c'est homogène, il y a des trouvailles tout le temps, le chant est juste incroyable, c'est fait avec énormément de goût, c'est un album parfait pour ce style-là. Après, on entre dedans ou on n'entre pas dedans, moi c'est quelque chose qui me fait fondre, bah voilà, c'est tout. Après, est-ce que j'aurais envie d'écouter 500 groupes qui font du sous Bird and the Bee? J'en suis pas du tout certain, c'est aussi sa rareté, à mon avis, qui lui confère sa valeur. On peut évoquer la suite de leur carrière, le deuxième album assume plus justement le côté pop, va faire des expérimentations différentes. Le son jazzy est toujours là, mais peut-être un peu moins présent. Le troisième album, qui date de 2015, je l'ai peu écouté, mais il a l'air de continuer sur cette lancée-là, de devenir peut-être plus pop. Ça veut pas forcément dire plus accessible, ça veut pas forcément dire que ce sera pourri, hein. Mais on sent que le côté très jazzy, c'est le premier. C'est pour ça que je voulais qu'on discute de celui-là, parce que c'est celui-là qui me semblait le plus riche. Alors, est-ce que t'as des choses que t'as rappelé ce groupe, des recommandations, des liens à faire avec ce premier album de Bird and the Bee? Eh oui, car contrairement au podcast précédent où avec Incubus j'ai trouvé le groupe assez unique et enfin, j'avais pas grand chose comme autre recommandation. Là je trouve que j'ai pas mal d'autres groupes, en fait ça m'a fait penser à, enfin j'ai pas mal d'autres groupes de pop intelligente pour revenir au terme que j'utilisais au début. Alors je pense à un album de Sia. Alors Sia est une pop star internationale maintenant hyper connue. Sia c'est I'm gonna swim from the chandelier, voilà le truc tube, voilà, comme qui écrit pour Rihanna maintenant, etc. Mais au début de sa carrière, en 2006-2005, je crois, elle a fait un album. Alors attention, je vous donne le nom de l'album parce que la discographie de Sia, moi je l'ai écouté, c'est complètement hétéroclite. Les trucs récents, c'est de la pop FM, voilà, qui à la Rihanna. Les albums juste avant celui que je vais vous donner juste après sont différents. Donc je vous conseille l'album Color the Small One. D'ailleurs, dame, je te le conseille vivement. Si tu aimes bien Budge and the Bee, il y a moyen que tu aimes bien ça. C'est un peu la même chose avec des voix très posées, très subtiles, des arrangements très originaux, un peu moins électro, un peu plus acoustique que Bird and the Bee, mais ça reste vraiment dans la même veine. Donc il y a Sia, voilà, donc l'album Color the Small One. Il y a Gauthier. Alors Gauthier, c'est le mec qui a fait le tube où il se peigne sur le visage là, Somebody That I Used to Know. Donc Gauthier, G-O-T-Y-E. Donc il a fait pareil, il a eu ce tube international. Alors moi j'ai téléchargé l'album, mais en fait le mec, alors il fait de la musique tout seul, c'est un ancien batteur et pareil, de la pop mais très subtile, très intelligente avec de la programmation. Voilà, j'avais regardé un peu le making of de son album, on sent que c'est vraiment le même genre de démarche. Voilà. Après, côté français, il y a Nash, Anna Chédid, la sœur de Mathieu Chédid. Alors, c'est un peu, comment dire, c'est pas exactement la même chose, mais il y a des progressions d'accords inhabituelles. Donc ça me fait penser à Bird and the Bee. Il y a un travail sur les paroles qui est très sympa. Voilà, c'est en français, donc c'est un peu différent quand même. Mais je pense que si vous aimez l'un, vous pouvez aimer l'autre. Il y a aussi, alors il y a Feist, qui est une chanteuse canadienne, F-E-I-S-T. Pareil, même genre de la pop intelligente que je dirais. Ça me fait penser aussi à R pour la BO de Virgin Suicides qu'on avait repris à deux, dame, si tu te souviens bien. Donc, alors R, la BO de Virgin Suicides, c'est de l'instrumental plutôt. Mais pour la recherche des textures et tout ça, ça peut être. Il y a un parallèle à faire, on va dire. j'ai pas fini. Il y a Yael Naïm aussi. Yael Naïm, qui est une chanteuse israélienne. Pareil, un travail sur les textures, voilà, la pop intelligente encore, je vais me répéter. Et deux derniers noms. Alors, il y a un groupe que je connais très très peu, mais je connais une chanson que je vous recommande vivement. Si vous aimez bien Bird and the Bee, il y a vraiment un parallèle à faire là. C'est un groupe qui s'appelle Lali Puna. Lali, L-A-L-I, plus loin, P-U-N-A, Puna, qui est un groupe, je crois, berlinois avec une chanteuse coréenne, je ne sais pas. J'y connaissais absolument rien, j'ai découvert leur existence hier. Simplement, j'avais une piste qui s'appelle Faking the Books. Je ne connais absolument rien du reste d'eux, donc d'ailleurs, je vais aller explorer parce que je pense que ça va me plaire. Et donc, Faking the Books, c'est une très bonne piste que je vous recommande. Et dame, je te recommande d'aller écouter aussi, qui me fait beaucoup, beaucoup penser à Bird and the Bee. Alors là, il y a un travail sur les samples. La chanteuse est samplée, en fait. Bon, voilà, faut aller voir. Le clip est très sympa aussi. Voilà. Et puis, dernier, le côté pop intelligente, ça me faisait penser aussi à Björk un petit peu. Alors, Björk, c'est plutôt pour le côté pop, mais subtil. Pas le côté expérimental qu'elle a pu avoir dans certains albums, parce que Bud and the Bee, on ne peut pas dire que ça soit vraiment expérimental. Mais voilà, si vous aimez Björk, peut-être que vous aimerez Bud and the Bee. Eh bien, c'est rigolo que tu parles de Björk, parce qu'en fait, je ne l'avais pas noté, mais quand on discutait, je ne sais plus à quel moment ça m'avait vraiment évoqué Björk pendant qu'on discutait. Donc j'allais en parler, je mettrai quelques liens sur le blog de Morceaux Chouettes. En plus de ça, tu faisais un lien avec Gondry tout à l'heure par rapport au projet à un des projets d'Inara, oui. George. Björk a fait aussi des clips avec Gondry, notamment celui de Bachelorette qui est vachement bien. Donc vraiment, si vous connaissez pas Björk, il y a à mon avis la meilleure porte d'entrée, c'est Bachelorette, c'est vraiment un morceau superbe. Moi j'ai quasiment aucune recommandation à faire, ce qui fait que c'est plutôt bien que tu m'en aies fait autant. Le seul qui me revienne, bah en fait j'écoute beaucoup moins de pop, donc du coup à partir de là, oui. Chercher de la pop dans cet esprit-là, j'en trouve pas beaucoup. Oui. Deux choses que ça peut me rappeler. Alors dans le genre pop un peu étonnante avec des influences électro, je connais pas bien le groupe, mais il y a un morceau d'un groupe qui s'appelle Dirof. Qui me fait un petit peu penser à cette ambiance-là. Je vais pas trop détailler parce que je connais en gros ce morceau-là et l'album, mais sur l'album j'en ai mis un. Donc je le mettrai en lien. Sinon, le gros point commun, je trouve, en français, je l'évoquais au tout début de la discussion, c'est le groupe Brigitte, que vous connaissez sans doute parce que c'est un groupe extrêmement connu, mais qui a des ressorts qui sont extrêmement proches de ce qu'on a entendu dans Bird and the Bee, ne serait-ce que simplement les harmonisations de voix. Les Brigitte sont deux femmes qui ont des timbres assez finalement éloignés l'un de l'autre. On a une qui a des timbres un peu plus graves et une autre qui a une voix très très aiguë qu'elle fait systématiquement en voix de tête, et elles font souvent des harmonisations super bien écrites. C'est vraiment très chouette. Alors je suis moins client du deuxième album, je sais qu'elles en sortent un troisième très bientôt puisqu'elles ont commencé à vendre les places pour leur tournée, ça s'arrache évidemment. Leur premier album est vraiment une énorme réussite. Moi, c'est un album que je trouve extrêmement extrêmement étonnant, bien fait, et vraiment c'est il y a un côté rétro très très subtil, et pareil, il y a le même rapport avec un décalage dans les paroles. Elles avaient repris notamment la chanson Ma Benz de NTM version ultra sirupeuse, etc. Elles ont des titres qui sont pareil, des chansons en mode je vais te casser la gueule parce que t'as dragué mon mec et après je vais casser la gueule à mon mec. C'est vraiment marrant. Et puis si vous voulez aller plus loin du côté des Brigitte, dans le premier album il y a une chanson, et franchement Tom, celle-là il faudra que tu l'écoutes, elle est superbe. Il y a une chanson, ouais, qui s'appelle Je veux un enfant, et c'est sur une femme qui veut un enfant, et c'est des paroles mais qui sont déchirantes, qui sont tellement triste. Et les Brigitte, je les ai vues deux fois en concert, dont une fois dans une toute petite salle, enfin une toute petite salle, une salle raisonnablement petite, qu'elles ne font plus aujourd'hui, j'ai l'impression, puisqu'elles vont faire des zéniths et tout ça. Et la chanson Je veux un enfant, c'est un moment où t'as un silence de mort et tu sens que ça parle à quasiment tout le monde autour de toi. C'est des paroles de femmes qui s'adressent essentiellement aux femmes pour le coup, et elles sont déchirantes les paroles, et je pense que les femmes présentes autour de moi à ce moment-là, ça résonnait, quoi. C'est extrêmement touchant, c'est très très émouvant, c'est extrêmement bien écrit, c'est vraiment un moment très très très spécial. Ça arrache les larmes en live. C'est vraiment, ouais, très impressionnant. Donc ouais, vraiment aller chercher du côté des Brigitte, notamment le premier album qui est vraiment une énorme réussite. Alors on va conclure en faisant les rappels habituels. On a mis en place un blog donc sur lequel vous pouvez retrouver les différentes références de morceaux dont on a parlé. J'y mettrai du Bird Bacharach, je mettrai les Brigitte, tous les groupes dont tu as parlé Tom, et puis d'autres petites choses qui me reviendront à l'écoute. Donc n'hésitez pas à aller sur le blog, c'est écoutesa.wordpress.com. Ensuite, vous pouvez nous envoyer un mail pour nous faire des recommandations, discuter avec nous. Il y a une adresse Gmail, écoutesapodcast@gmail.com, sans accent, sans cédille. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter avec @écoutesa, ECOUTE-CA, sans majuscule, sans accent encore une fois. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur iTunes, sachant que pour le référencement du podcast, il est toujours utile d'avoir des petites étoiles, donc n'hésitez pas à y faire un saut, des petites étoiles, un petit commentaire. D'abord, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours, et puis surtout, ça nous aidera à nous faire un petit peu connaître et à récupérer des auditeurs qui eux-mêmes nous feront découvrir de la musique, etc., etc. C'est toujours sympa. Yes. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. On a, pour l'instant, moi j'ai plusieurs idées, mais j'ai rien de très défini. Je ne sais pas si de ton côté, tu sais, si on s'oriente. Moi j'ai plein d'idées. D'accord. Bah écoute, on va essayer de continuer pendant un ou deux numéros de s'éloigner du rock type orienté métal qu'on a quand même couvert sur trois numéros. Et bon, moi je vais essayer d'aller chercher dans les choses un peu plus aventureuses aussi. En tout cas, qui vont sortir de notre zone de confort habituelle. Ça marche. Très bien. Bon écoute, on se retrouve très bientôt alors, et à bientôt, et merci de nous écouter. Yes, salut tout le monde, à bientôt. Salut.